Page projet, exercice 5. Écoutez le document sonore et complétez le tableau. Je m'appelle Chloé. Je vais terminer ma seconde année de prépa. Je suis en Cagne, dans un lycée parisien, et j'espère intégrer Normale Sup l'année prochaine. Mes résultats au bac étaient excellents et mes notes au lycée ont toujours été au-dessus de 17 de moyenne depuis la seconde. Je pense que j'ai toutes mes chances. Si je ne réussis pas, je pense m'inscrire à l'université en philosophie de toute façon. Je voudrais enseigner la philo. Je suis la seule, car mes amis préparent en général HEC ou l'ESSEC. Ils ne comprennent pas toujours pourquoi je veux faire de la philo. Mais bon, je croise les doigts pour que ça marche, car ce serait une opportunité exceptionnelle de devenir normalienne. On verra bien. Moi, je m'appelle Marie. Je viens d'obtenir un bac professionnel en audiovisuel. J'ai commencé un BTS dans ce domaine en septembre. Dans 2 ans, si tout va bien, je pourrai commencer à travailler. Mes parents auraient voulu que j'aille à l'université pour préparer le concours d'institutrice. C'est vrai qu'il y a une stabilité de l'emploi, c'est plus rassurant, mais je préfère entrer dans la vie active rapidement. J'adore ce que je fais actuellement, et de toute façon, je n'aurai aucune patience avec les enfants. Les études littéraires et les sciences humaines en général, ça n'a jamais été mon truc. J'ai toujours été mauvais en dissertation. En revanche, je suis un féru de sciences, surtout les maths. J'ai commencé une thèse cette année en mathématiques et j'ai terminé mon master en juin dernier. Me voilà donc parti pour 3 années. J'ai obtenu une bourse, ce qui me permet de vivre correctement, et je vais commencer à enseigner à l'université dans 1 an, dans le cadre de ma recherche.